Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Cinquième partie, chapitre 11. Il ne revint jamais. Une nuit d'août, là-bas, au large de la sombre Islande, au milieu d'un grand bruit de fureur, avaient été célébrées ses noces avec la mer. Avec la mer qui, autrefois, avait été aussi sa nourrice. C'était elle qui l'avait bercé, qui l'avait fait adolescent large et fort. Et ensuite, elle l'avait repris, dans sa virilité superbe, pour elle seule. Un profond mystère avait enveloppé ses noces monstrueuses. Tout le temps, des voiles obscurs s'étaient agités au-dessus, des rideaux mouvants et tourmentés, tendus pour cacher la fête. Et la fiancée donnait de la voix, faisait toujours son plus grand bruit horrible pour étouffer les cris. Lui, se souvenant de Go, sa femme de chair, s'était défendu dans une lutte de géants contre cette épousée de tombeau, jusqu'au moment où il s'était abandonné, les bras ouverts pour la recevoir, avec un grand cri profond comme un taureau qui râle, la bouche déjà emplie d'eau, les bras ouverts, étendus et raidis pour jamais. Et à ses noces, ils y étaient tous, ceux qu'il avait conviés jadis. Tous, excepté Sylvestre, qui lui s'en était allé dormir dans des jardins enchantés, très loin, de l'autre côté de la terre.